Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Depuis plus de 40 ans, l'équipe de Hydromic déploie tous les efforts nécessaires afin de bien servir sa clientèle. En cette période de réjouissance, l'équipe de Hydromic ainsi que le personnel souhaitent joyeux Noël et bonne année à toute la population. Hydromic au 2921 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au 418-276-5831. On va parler... Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Un beau projet pourrait voir le jour au cours des prochaines années à Ville-Saguenay. L'Empire League Baseball pourrait voir le jour et avoir une équipe à Jonquière. C'est du moins ce qu'a proposé le promoteur du projet, Richard Lahaye, en entrevue sur les ondes de danadosport.com. Richard Lahaye explique que l'Empire League Baseball, c'est du calibre A. Recrue. On va l'écouter là-dessus. Notation de professionnel, parce que dans le fond, il y a trois règles là, pour avoir un professionnel et puis la Ligue rencontre ça. En fait, ben, pour situer les gens, si on regarde la CANAM, c'est quand c'est un niveau qui se situe entre le hors-fort et le double A, parce que les gens connaissent ça, là, que les Ligues majeures, il y a double A, double A et A. Et ensuite, en bas du A, il y a ce qu'ils appellent le rookie. Donc, c'est souvent les premiers repêchés, là, les joueurs repêchés vont se retrouver là. L'Empire League se situe entre le rookie et le A. Okay. Mais il reste que la mission de cette ligue-là est de pas juste de donner du baseball professionnel, mais c'est également de former les joueurs pour éventuellement être repêchés. Parce que la plupart de ces gars-là ont pas été repêchés. Mais c'est pas parce que t'es pas repêché que t'es pas de calibre, il arrive des circonstances à un moment donné. Puis, juste donner un exemple, là, en deux ans, il y a tout près de 50 joueurs qui ont monté de l'Empire à la CANAM, à l'American Association, à la Frontier, à l'Atlanta. Et comparativement à la Ligue CANAM, l'Empire League Baseball, le prix d'une franchise est de 350 000 $, beaucoup moins dispendieux que la CANAM League qui, elle, le coût est de 1,4 million, explique le Richard Lahaye. Évidemment, moi, j'étais directeur général de Douin sur les aigles, là, parce que les chiffres, je les connais. CANAM, on parle d'à peu près 1,4 million par saison. Okay. Alors que l'Empire, c'est 350 000. Oh. Alors, c'est le quart, c'est carrément le quart. Mais il faut dire que les salaires sont moindres. La saison est très courte. On parle de 50 matchs total. OK. Donc, environ 25 matchs locaux. Puis, dans le fond, les joueurs aussi, les dépenses, là, c'est vraiment au minimum. Mais il reste aussi que les infrastructures minimum exigées par la Ligue comparativement à la CANAM s'adresse justement à des marchés là, comme Ville-Saguenay et Plattsburgh, entre autres, là, pour nommer okay. Deux autres. Moi, Charles Lahaye a rencontré celui qui est en charge du sport à Ville-Saguenay, notre collègue Michel Tifot. Et semble-t-il que sans être un dossier prioritaire, on sait qu'actuellement le terrain synthétique de soccer avec un toit et également la rénovation du centre de résidence sont les dossiers prioritaires au niveau sportif à Ville-Saguenay. Richard Lahaye a mentionné qu'il y a quand même eu une écoute attentive de la part du conseil de ville. Explique là-dessus, Richard Lahaye. Il y avait comme deux projets en priorité. Là, je pense qu'il y avait un projet de soccer puis il y avait un projet de centre Georges Vézina. Sauf que je pense que la bonne nouvelle puis la surprise agréable pour Ville-Saguenay, c'est les coûts d'exploitation pour une telle franchise. C'est un retour parce que si j'ai vu aussi à un moment donné dans un livre dans les années 50, il y a eu une équipe professionnelle à Chicoutimi. on voit qu'avec le stade en place, on n'aura pas d'investissement majeur à faire. Parce que moi, j'ai vu deux stades là, où est-ce que la Ligue Empire sont actuellement. Puis il y a absolument rien de honteux là-dedans. Là, au contraire, je peux te dire. Là. Fait que moi, je trouve que l'ouverture d'esprit est bonne. Puis dans le fond aussi, là, je vais lancer un nom de même, mais on dit un monsieur comme Alain Bouchard, qui, on sait quand même, dispose de bons moyens, ben, à un moment donné, c'est un petit qui plaît donner le nom de son stade là, à Chicoutimi, à Béjonquière, c'est-à-dire. C'est un type même qui peut associer là, son entreprise à la Ligue du côté Québec et du côté américain, puisque du côté américain, ils ont 7 000 magasins là, au nom de Circle K et d'autres noms en plus de Couchetard. Donc, ça, c'est une possibilité. On lance un nom de même, évidemment, ça, on s'entend que ça prend un contact privilégié pour approcher M. Bouchard, mais tu sais, c'est une idée là, qui serait quand même intéressante. Mauvaise nouvelle pour le gardien de but des Huskies de Moyen-Normandin, natif d'Alma, Samuel Harvey. Il a été retranché du camp d'entraînement de l'équipe Canada Junior. Harvey qui a joué deux matchs au concours, un contre l'équipe universitaire canadienne où il a cédé 2 buts sur 15 lancés hier. Et mercredi, ben, Samuel Harvey a donné 1 but sur 11 lancés, mais cette fois c'était avec l'équipe Canada Junior. Donc Samuel Harvey va retourner avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Parlons maintenant de la Ligue simple lettre de hockey. Il y avait des matchs qui nous intéressaient. D'abord, le National de la Baie ont gagné 6-4 sur les Bulldogs de Saint-Félicien. Les Cougars de Chicoutimi ont le meilleur sur les Hurricanes de Massouillache, 5-0. Et les Flames de Jonquière ont gagné 5-2 sur Massouillache. Niveau Midget B, a noté un gain du Marcos Pub de Saint-Félicien, 3-2 sur le garage Roger Lavoie de Chibougamau. Et au niveau maintenant du junior, il y avait des matchs qui nous intéressaient. Le Pro-Lam de Saint-Félicien a joué pour 500 en fin de semaine dernière. Ils ont perdu 2-1 contre les Prédateurs de Jonquière et ils ont gagné 2-1 contre le Royal de Matamétuan. Après la pause, on vous parle de l'acquisition de 5 hommes forts par l'équipe de la Haute-Côte-Nord dans la Ligue Seniors Lac-Aux-Fleurs. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Monsieur Robin Boulian, directeur général du groupe BR Metal, ainsi que le personnel du groupe BR Metal et ses 4 divisions, Mobilier Public, BR Industrie, Aluco, BR Peinture Industrielle, désire souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Le groupe BR Metal est un employeur important dans le milieu, puisqu'il génère presque 40 emplois et ne cesse de grandir. Le groupe BR Metal est situé au 353 Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Ligue du lac au fleuve, maintenant une nouvelle qui va faire couler beaucoup d'encre. L'équipe de la Haute-Côte-Nord qui a recruté 5 hommes forts pour le match de ce soir contre la formation de Jonquière. En entrevue sur les ondes de danazosport.com hier, l'instructeur-chef Philippe Gauthier a défendu les acquisitions. Comme on avait déjà parlé ensemble, pour avoir une équipe complète sur la glace, on a une liste de 35-40 gars pour réussir à mettre 20 gars sur la glace tous les fins de semaine. Ça veut dire que si je veux avoir, mettons, 2 ou 3 hommes forts, faut que j'en aie au moins 6-7 sur la liste pour en avoir tout le temps 2 ou 3 disponibles. Fait que c'est le même principe qu'avoir la liste de joueurs. C'est, j'habillerai jamais 4 puis 5 bagarreurs en même temps, là. C'est impossible. C'est juste que on a signé 4 à Chibougamau. C'est pas plus dur, payer du gaz à les gars qui vont descendre de Chibougamau. Puis après ça, le gars, on fera pas descendre rien qu'un gars, là. Fait que les gars, ils vont descendre 2 gars. Quand on joue une game, les gars vont descendre à 2. on a le petit choret. On va en avoir trois exactement comme Jonquière. Même à Fayre, on aura... Dave Gauthier mentionne que les événements qui ont eu lieu le 18 novembre dernier ont fait en sorte qu'ils ont dû rectifier le tir et embaucher ces hommes forts. Sauf qu'avec les événements qu'on a eu, c'est sûr que si eux autres, le monde de Jonquière pense ça, c'est peut-être un peu normal, hein, parce que juste pour relater les petits faits qui sont arrivés le 18 novembre, ben un des joueurs de Jonquière, il a snappé ses rondelles dans le refaufement sur les joueurs. Après ça, ils ont allé planter le goaler, justement, ils ont rentré dans le goaler de Haute-Côte-Nord à trois reprises dans ce troisième période. Puis il y a même un joueur qui s'est permis d'aller faire la poule en avant du bain. Fait que c'est rare de geste-là que irrespectueux, comme on appelle, nous autres. Fait que on a moins aimé. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, quand t'as pas personne pour te défendre, puis tu vois un gars faire la poule en avant du bain puis snapper des rondelles dans le refaufement, là, à un moment donné, tu te dis, c'est assez, là, faut que tu fasses de quoi pour te défendre aussi, là. Mais ça, j'invite donc à écouter la section entrevue de TanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu avec Philippe Gauthier, l'instructeur de chef de la Haute-Côte-Nord, qui défend l'acquisition de ses hommes forts. Également, je me suis entretenu avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence soccer de Lac-Saint-Jean, où on parle de la transaction qui envoie Laurent Simon à Los Angeles. Je me suis également entretenu hier avec Pascal Jobin, c'est la chronique de la NBA. Hugo Maltais vient nous parler du hockey mineur d'Orbeval et Robin Boulian vient nous faire un compte-rendu de la semaine des Castors de Dolbeau. Le sport local et régional à TanRadioSport.com. On s'en occupe.